Le monument aux exploits des jeunes héroïques vient d'être mis sur pied en centrale des jeunes héros Bektusan, symbole de la puissance des jeunes. Le nouveau monument transmet à la postérité les exploits des créateurs de l'esprit des jeunes héros Bektusan. La cérémonie de dévoilement s'est déroulée le 29 sur place. Y ont participé les officiels intéressés, de l'Union de la jeunesse, les membres de la troupe de choc et les habitants de l'arrondissement de Pegam.